C'est fou! 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Catherine Morgan nous enverra promener dans un pays du monde avec sa chronique voyage. Et Stéphanie Paradis va nous critiquer une série qu'elle a regardée dans Patate de Sofa. Assemblage requis commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 16 novembre 2017. On est à 162 jours de la folie année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. On tient à s'excuser du léger petit retard qu'il y a ce matin. Le retard d'aujourd'hui est une présentation de... Cogeco. Non, et compagnie Internet qui ne fonctionne pas. On n'a pas Internet depuis hier en fin d'après-midi, en plein Mathieu Plante Show. Tu sais, l'émission où il y a comme 1000 articles par émission. C'est ça. Donc c'était bien le fun, mais c'est ça, l'émission va être un petit peu plus légère en contenu. On a quand même nos téléphones pour lire quelques trucs, donc on va quand même pas s'en faire avec ça trop là. On va juste buster. C'est ça, ça va probablement juste être plus difficile à écouter parce qu'on va être en train de charger nos prochains articles. C'est ça, exactement. C'est pas comme sur un ordinateur où tu peux ouvrir plusieurs affaires à la fois. Non, sachez-le. Bref, l'émission d'aujourd'hui va être quand même le fun. On a des chroniqueuses aujourd'hui, donc on s'ennuiera pas du tout ensemble. On va avoir Catherine Langlois à 8h30 pour sa chronique Voyage. Elle va être de retour avec nous, elle était pas là la dernière fois, donc on va la retrouver à 8h30. Ensuite, à 9h, Stéphanie Paradis, qui elle aussi n'était pas là sa dernière fois, donc elle va être avec nous aujourd'hui pour une série télé qu'elle a regardée sur Netflix, probablement. Donc elle va nous en reparler en long et en large à 9h. On va terminer l'émission avec quelque chose de vraiment excitant. Encore une fois, je dis comme toujours, si tout fonctionne bien. Oui, ben oui, évidemment, parce que bon sang, c'est ça qui est ça. Les imprévisibles de la vie, ça arrive toujours. Donc une grosse pointe All Dress, édition spéciale, Citoyen, à 9h30. Ta chronique s'en vient aussi, Tania Esgo. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Et aujourd'hui, tour de l'actualité, évidemment. On est jeudi matin, alors je me dois un petit peu de vous informer sur les différentes nouvelles qui sont sorties tout au long de la semaine dans différentes sphères. Mmh. Donc, on va pas nécessairement parler politique, on va pas nécessairement juste parler santé non plus. On va faire vraiment le... On ratisse large. Hein? On ratisse très, très, très, très, très large, vous allez voir ce matin. Comme un râteau l'automne. Quoi qu'aujourd'hui, il y a de la grêle en ce moment. C'est vrai. Je tiens à vous donner un petit truc, en tout cas pour ceux qui vont devoir aller se stationner. Présentement, il fait juste 2 degrés. Ouais. C'est pas si pire. Mais cet après-midi ou encore ce matin, ça peut refroidir. Levez vos wipers. C'est vrai, oui. Pour pas que ça pogne dans un pays de glace. Prenez votre lance-flamme aussi. Aussi, c'est sûr que c'est merveilleux pour pouvoir déglacer une voiture par la suite. Vos boules de feu. C'est sûr que ça peut exploser, mais ça, c'est un autre détail. Est-ce que ça dérangerait vraiment quelqu'un? Écoute, avez-vous des bonnes assurances ou non? C'est ce matin que ça va. Vous avez envie de vivre ou pas? C'est ça. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Ça et la météo. Donc, on est là pour vous. Oui. En ce jeudi matin. Alors, on va commencer avec un petit peu de musique. Je pense qu'on va en écouter quand même un petit peu une fois de temps en temps aujourd'hui, étant donné les problèmes d'Internet. Donc, écoutons une pièce du palmarès. Franco ou anglo? Franco, je te dirais, ouais. Okay. C'est comme la tradition, on dirait que tout le temps commencer franco, comme c'est ça. Vrai. C'est plus facile de retenir où on est rendu. Franco ou anglo, franco ou anglo. Ouais. Bref, on écoute Dilarama avec Chantal. Tu vois, c'est comme un franco ou anglo. On dirait que c'est comme une tradition de... Je sais pas. C'est comme s'il y avait une émission de palmarès. Pareil. Genre. C'est dommage, mais c'est comme ça. Dans un monde idéal, je serais plus qu'un ami pour toi, Chantal. Je ne sais plus comment te dire que je m'ennuie et qu'à part toi, personne ne semble comprendre. Quand mon cœur, pas trop fort. Lorsque j'ai Chantal, au Chantal. Ce n'est pas obligé d'être comme ça. Je sais c'est impossible, tu me l'as déjà dit. Tu ne m'aimeras jamais comme ça. Je me canserai en pleurant sur mes lingots d'or, volant de Jaguar. Belle des blondes, toute la drogue du monde, ouais. Audi Larama avec Chantal dans Assemblage Requis. Ouh! Hein? Chantal, est-ce que c'est Chantal du service à la clientèle de notre compagnie Internet? On sait pas. Faudrait peut-être appeler, demander. Pas à date pour voir, je pense. Vous, Chantal. Chantal, pourrais-tu nous rallumer Internet, s'il te plaît? S'il vous plaît. Manon Pessulpitant. maintenant, on va établir des noms féminins des années... Non, c'est pas vrai, on fera pas ça. C'est son Chantal, Manon. Par chaque lettre de l'alphabet, c'est parti. C'est tout ce qu'on a comme contenu. Non, voici son foutu palmarès. C'est la chronique, on a établi une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on a une thématique qui va peut-être vous donner un indice. Là, j'aime faire des thématiques à indice. Des fois, je le précise pas et tu t'en rends peut-être compte toi-même. Ouais. T'es quand même assez intelligent. Parfois, ça m'arrive. on parle de nourriture, de junk food, donc, mais qui est seulement disponible au Japon. Ah, OK. Oh, intéressant. Donc, une visite au Japon, ben, ça pourrait vous donner pas mal envie de manger pas mal tout ce que vous voyez passer, parce qu'il y a des trucs vraiment originaux là-bas. Il y a des compagnies de nourriture japonaise qui sortent pour innover, pour se démarquer des autres, des saveurs vraiment particulières. Donc, avec une affinité pour tout ce qui est saisonnier, hein, les Japonais peuvent s'attendre à avoir une rotation d'éditions limitées de leur nourriture préférée. Par exemple, au printemps, ça va être rempli de sakura rose. Sakura rose. Et l'automne, on peut s'attendre à des patates douces, entre autres. Ah, d'accord. C'est vrai. Donc, une tonne de collations japonaises qui se vendraient probablement pas en Amérique du Nord. Mais qu'on va quand même en parler un petit peu si vous avez envie de visiter ou encore de vous procurer ces produits-là du Japon. Commençons par les ramen. Rien de plus satisfaisant que d'ouvrir un bol de ramen. Ben oui, quand je sais. Quand on a une petite rage comme ça, on parle de maïs déshydraté, un paquet d'agents de conservation. Hein? Mais Il y a quelques ingrédients dans les lignes premium de Cup Noodles. Ça s'appelle Cup Noodles Rich. C'est au Japon, disponible depuis le mois dernier. Les manufacturiers japonais ont créé en fait 600 nouvelles saveurs de ramen chaque année, que ce soit des choses approchables avec des vrais morceaux d'omelette, par exemple, ou du cheese curry, fromage et curry. Hein? Sinon, très aventurier comme la saveur Cup Noodle Milk and Seafood, lait et fruits de mer, clam, comme dans des palourdes. Oui. Ah ouais. Vin blanc. OK. Ou encore chili fromage mexicain. Ah, mais ça doit être bon, celle-là. Ouais. Ils ont aussi une saveur poulet et ramen. Un classique. Quand même, mais comme poulet frit. Ah, OK, oui. Aha. Non, différent quand même. C'est ça. Ensuite, on passe aux Doritos. Le Cool Ranch, c'est bien le fun, on aime ça, mais il y a d'autres saveurs un petit peu plus originales. Par exemple, consommé de poulet. Disponible entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Du consommé de poulet. Je suis pas certaine de celle-là. Non, pas sûr. Ensuite, sauce soya au beurre. Oui. Ouais. Et nacho cheese, bien sûr, mais ça, c'est normal. Pour ceux qui aiment les croustilles comme celle-là, ils ont amené une édition spéciale qui s'appelle Doritos Royal. C'est pour les adultes, avec des saveurs riches comme du beurre bruni dans poêle et crevettes à l'ail. Oh, d'accord. Miam. Ensuite, on passe aux Cheetos. On connaît les Cheetos pour le côté fromager, dangereusement fromager. Mais dans le marché japonais, ils ont quelques saveurs un petit peu plus originales que ça. Hein, pas juste du sel. Il y a aussi sel léger, tiens, mais avec sauce soya. Ah! Quand même. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Qui est apparemment un petit peu plus sucré que ce que les gens à Tokyo sont habitués de manger. Ensuite, les avocats, c'est toujours bien à la mode. Au Japon, ils ont donc créé des Cheetos à saveur d'avocat. Qu'on pourrait importer, ça? Cheetos! À saveur d'avocat. Ouais. Donc, automatiquement, il y a un goût fromager. Ouais. Puis tu rajoutes à ça des avocats. Il me semble fromage et avocat, ça va bien ensemble. Je suis pas certaine. Non. Bref, ça n'a pas survécu au Japon. Les gens n'ont pas tellement aimé ça. Non, tu vois. Je suis pas folle. Ouais. Sinon, le plus bizarre peut-être chez les Cheetos, ce serait la saveur de banane. Oh! Oui, banane jaune, disponible pour un temps limité pour faire la promotion du film des Minions. OK, non, ça, je n'adhère point. Ouais. Ah, vraiment pas. Ensuite, on parle de pizza un petit peu, toujours au Japon. Évidemment, il y a plein de saveurs qu'on connaît ici qui sont exclusivement peut-être canadiennes, par exemple. Peut-être de la pizza, sinon aux ananas, on connaît ces trucs-là. Mais au Japon, on y va avec gratin de crabe, avec de la sauce blanche. C'est quoi déjà le produit? Pizza. OK. Ouais, OK, ouais. Gratin de crabe, ouais, sinon... sinon, tu pourrais avoir aussi pizza à la lasagne avec patates, persil et sauce bolognaise. Mmh. Au printemps, on échange le pepperoni pour des crevettes. Ah, OK. Hein? Et chez Domino's, au Japon, on a une pizza inspirée du millefeuille français. C'est du fromage entre trois croûtes différentes. Donc, on a pris le millefeuille, l'idée d'un millefeuille avec des couches de pâtes et de d'autres garnitures. Et là, on a fait une pizza avec ça, donc avec des étages de pâtes entre chaque. Ça, ça serait pas pire, ça. Tu sais, extra pâtes, là. Ouais. J'aime bien ma pizza croûte épaisse. Ouais, t'aimes ça, toi? J'aime vraiment ça. Je serais moins croûte mince. Moi, j'aime mieux croûte mince. Bon. On se complète si bien. ensuite, on parle de boisson gazeuse. La marque Orangina, elle savait que l'orange serait trop plate pour le Japon, donc ils ont choisi d'autres saveurs comme Blood Orangina, comme l'orange sanguine, similaire à un drink qui existe en Europe. T'as aussi le Lemongina, une formule spécifique au marché japonais qui a débuté en 2015. Et puis les machines partout au pays ont toujours du Pepsi Strong, qui est un soda satisfaisant, rempli de plus de bulles et de plus de caféine. Oh! Tu vois ça, là, ça marcherait, il me semble, Pepsi Strong ici. Je pense que oui. À la place d'une boisson énergisante, là. Ils ont aussi une ligne, dans le passé, chez Pepsi, une ligne de soda melon d'eau salé au Japon. Melon d'eau salé. Ouais. Moins, hein? Ouais, pas mal moins. Ensuite, on va chez Starbucks. On est dans une liste en passant en ce moment de produits typiquement japonais. Donc, les Starbucks japonais ont aussi des saveurs spéciales. On parle entre autres d'une édition limitée. Encore une fois, au Sakura à la fraise. Est-ce que tu peux me chercher, s'il te plaît, c'est quoi un Sakura? Oui, certainement. Comment est-ce que tu l'écris? S-A-K-U-R-A. S-A-K-U-R-A. Ouais, vive le fait de ne pas pouvoir faire plusieurs choses sur un téléphone en même temps. bref, et un pays qui est fou des melons, bien sûr, c'est pas une surprise que la chaîne de café gagne les cœurs japonais avec l'édition spéciale Melon Cantaloup, ou sinon un Frappuccino crémeux qui contient des morceaux, en fait, des vrais morceaux de melon et de panna cotta. Ce sont des cerisiers. Voilà. Des petits fruits. Sakura, c'est l'arbre cerisier. Donc, c'est aussi les cerisiers ornementaux du Japon. Oui, on les voit souvent, là. C'est super beau, ça. Oui. On les voit sur des photos. C'est aussi un personnage de fiction. Ah, c'est ça. C'est surtout ça que je reconnaissais dans le nom, moi. Ensuite, on parle de crème glacée. Hein. Les Japonais ne savent pas comment dire Baskin-Robbins, donc ils ont simplifié le nom en seulement 31. Tu sais que dans le logo de Baskin-Robbins, il y a le 31 dans le milieu pour les 31 saveurs, je pense, qui étaient ouais, à l'origine. Je pense que ouais, quelque chose de genre. Bref, ils appellent ça 31, eux. Et la marque a quelques saveurs particulièrement japonaises. Les enfants du Japon aiment le Popping Shower. Oh! Popping Shower, c'est une crème glacée à la menthe bien froide avec des bonbons un peu comme du Pop Rocks qui va te pétiller dans la bouche. Pour les adultes, il y a au melon, encore une fois, bien sûr. De son côté, Häagen-Dazs laisse tomber son cachet européen au Japon avec plutôt des saveurs comme bleuet lavande. Mm-hmm. Sinon, des saveurs plus créatives sont chez Ben & Jerry's, des mélanges typiquement japonais comme thé noir avec flocons de chocolat et patate douce mauve Okinawan. Oh! Ils ont aussi une saveur qui s'appelle Lemont, L-E-M-O-N-T. Fuji, donc, c'est une base de citron avec des morceaux de pommes et de biscuits à la cannelle à l'intérieur. Ensuite, les Oreos et les Ritz, donc les biscuits, les craquelins. Évidemment, on a bien sûr des Oreos au thé vert matcha. C'est un succès depuis leur présentation, leur arrivée au Japon. On a aussi, en Amérique du Nord, des Oreos avec du remplissage vert, des fois, mais c'est à la saveur de menthe. Ils ont un centre, ils ont... Oh, wow! Ça, c'est le fun. Ils ont un centre à la vanille dans les craquelins Ritz au Japon. Donc, une boîte de Ritz Bits avec de la vanille à l'intérieur, un peu comme on a ici du Cheese Whiz ou du beurre d'arachide. Ensuite, une des choses les plus connues, je pense, au Japon, côté saveur, c'est les Kit Kat. Ben oui, clairement. Au wasabi. Absolument. Et c'est très populaire là-bas. Donc, Kit Kat, tu l'as dit, au wasabi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? On a le melon d'eau salé, encore une fois. Encore? Ouais, citron et vinaigre qu'on est supposé servir froid. Et patate douce rôtie. C'est supposé être super bon lorsqu'on fait fondre dans le four grille-pain. Voilà. La plus récente saveur de ce côté-là, évidemment, on parle encore de Kit Kat, c'est la saveur de saké. Chaque barre a 1,8% d'alcool. Donc, une bonne petite pause Kit Kat. Quand même. Bon, donc voilà pour la liste des produits, des saveurs qu'on retrouve principalement au Japon. C'est un avant-goût de la fin d'émission tout à l'heure dans une grosse pointe d'adresse. On continue en musique, c'est ce qu'on fait toute l'émission parce qu'on n'a pas Internet. Mais non. On écoute une nouvelle entrée de Aura Kogan sur le palmarès. Anglophone, voici The Light. Assemble jockey! Au 89 FM. C'est fou! Every time I tell you how I feel, you wrap up the words in silk and gold. Don't Aura Kogan avec The Light sur le palmarès anglophone. C'est fou. On était tout à l'heure dans son foutu palmarès. On va continuer avec une deuxième liste. Pourquoi donc pas? Et on va parler de Pez, spécifiquement les bonbons Pez. Oh, les petits bonbons qui sont si merveilleux. Oui, faites la Pez pour la guerre, comme on dit. C'est ça. Donc, Pez, c'était au sommet de sa popularité en Amérique du Nord dans les années 80 et 90, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. Hein? Ces petits bonbons sucrés-là ont une plus longue historique qu'on pense. Oh, pas vrai? Nous dit Mental Floss. Donc, les Pez, à l'époque, étaient des menthes pour empêcher de fumer, pour arrêter de fumer. Ah, si ouais. Donc, l'inventeur autrichien, homme d'affaires Edward Haas III, a eu l'idée pour les Pez en 1927. Il venait d'une famille riche de docteurs et de vendeurs, donc de magasins. Et puis, c'était quelqu'un qui militait contre la cigarette. Donc, il a décidé que ces petites menthes-là pourraient aider ceux qui veulent arrêter de fumer. Il y avait 30 ans à l'époque, il a engagé quelqu'un pour perfectionner le processus du pressage à froid. Il a engagé un chimiste qui allait pouvoir rapidement et pas trop cher compresser de l'huile de menthe, menthe poivrée, c'est ça, et du sucre pour faire des peppermints. Mm-hmm. Peppermint. Ouais. Et pour le nom reconnaissable aujourd'hui, les menthes ont été nommées pour l'appellation allemande de peppermint. Mm-hmm. C'est Pfefferminz. Oh. Donc, Pfefferminz, et on prend trois lettres là-dedans pour faire Pez. Oh. Donc Pez veut dire menthe poivrée. OK, bon. Okay. Ça goûte plus ça, mais plus c'est ce vraiment que c'était. Les premiers Pez étaient ronds. Ah ouais? Étrange, hein? Ça a pris du temps avant que Haas comprenne que la meilleure façon de produire et de mettre en emballage ces Pez serait de les faire comme elles sont maintenant. Donc les premières versions s'appelaient des Pez Drops, donc des pastilles Pez. C'était des bonbons ronds enveloppés dans du papier d'aluminium. Oh! Mais ensuite, Haas a déterminé que l'emballage des bonbons ronds était un petit peu difficile à produire. Donc lui et son partenaire chimiste cherchaient une nouvelle forme. Les Pez sont devenus rectangulaires à ce moment-là. La nouvelle machine était plus facile à emballer. La nouvelle forme était plus facile pour les machines à emballer. Ça a aidé à garder la production moins chère des Pez. Dans les années 30, Pez apparaissait dans des petits contenants de métal qu'on pouvait facilement mettre dans sa poche d'habit ou dans sa sacoche. Mm-hmm. Et puis après ça, les distributeurs de Haas, de Pez, oui, c'est ça, mm-hmm, ne sont pas apparus avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ouais. Les premières publicités de Pez étaient plutôt osées. Mm-hmm. Oh. À l'époque, Pez comme geste c'était pour que les adultes arrêtent de fumer. Donc ces publicités-là ciblaient les adultes. Et pour le faire, il y avait des pin-up girls qui montraient ces manques-là. Et en même temps, Pez était montré surtout comme pour l'élite. Donc c'était la manque de la société noble. Oh. Disait-on. Et comme aussi pour arrêter de fumer, comme j'ai dit tantôt, smoking prohibited, pezzing allowed. Donc, interdiction de fumer, mais vous avez le droit de pezzer. Oui, et quand Pez est arrivé aux États-Unis dans les années 1950, les annonces avec pin-up ont été abandonnées pour du marketing un petit peu plus familial ou enfantin. Le distributeur facile à utiliser, c'était un grand but pour la compagnie. Donc, dans les années 40, Haas a eu l'idée pour augmenter les ventes de Pez, donc le distributeur de menthe. Le fabricant s'est retourné vers l'inventeur Oscar Uxa. Et en 1948, le premier distributeur de Pez était créé. Le design de Uxa s'appelait Box Regular. Ah, c'est vraiment plate. C'est plate, ouais. Ouais, c'est très, très plate. C'était en forme de briquet et ça faisait partie de la thématique anti cigarette. Oh! Hein, vous, là? T'avoues que maintenant, ça commence à avoir du sens. Ouais, ça fait du sens. On utilisait les ressorts pour pousser les menthes et son dessus flip-top comme un briquet était facile à ouvrir avec une seule main. C'est mm-hmm très important pour Haas, en fait. Son brevet, à l'origine, disait que l'ouverture à une seule main était importante, non seulement pour les personnes qui ont seulement une seule main, hein, mais aussi les personnes qui non seulement qu'une main de libre, par exemple, mm-hmm, les gens en voiture et les gens qui ont une occupation qui pourrait faire que leur main soit sale d'un bord plus que l'autre, donc, ou même sale en général, tu vas pouvoir ouvrir ton distributeur de Pez facilement. Les Pez ne sont pas arrivés en Amérique du Nord, ou en tout cas au moins aux États-Unis, avant les années 1950. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était bien avant ça. Mm-hmm. Je me demande même si celles des années 50 sont encore bonnes à manger. Les Pez, des bonbons, ouais, assez, ça doit durer. En 1953, Pez a pris une chance sur le marché américain. À l'origine, c'était pas tellement, y a pas tellement d'intérêt. La saveur de menthe poivrée ne se démarquait pas des autres bonbons qui existaient. Ce qui a poussé Haas Food Manufacturing à repenser la saveur de menthe. Les petits bonbons Pez ont été changés un petit peu de formule avec des saveurs de fruits et un nouvel emballage qui a attiré un autre public que les adultes, les enfants. Mm-hmm. Bien sûr. Les distributeurs pour enfants, justement, sont devenus un énorme succès. Dans le marketing de Pez aux États-Unis, Haas a réalisé qu'il a fabriqué à ses distributeurs de bonbons, mais faire de deux des jouets, en fait, pour augmenter les ventes. Les premiers distributeurs pour enfants venaient en trois formes. T'avais un Père Noël complet, son corps au complet. T'avais un robot au complet. Et t'avais un fusil de l'espace qui tirait des bonbons. Tchou, tchou. En 1962, Pez est entré dans une nouvelle phase de marketing avec Walt Disney Studios. Ils avaient de la compétition de la part de... Même avant ça, ils avaient de la compétition de la part de Mickey Mouse, mais ils ont dit que le distributeur Père Noël de Pez, sorti en 1955, restait un des meilleurs vendeurs. Étant donné la combinaison bonbons et jouets, Pez est considéré comme le premier bonbon interactif avec plus de 1500 distributeurs différents. Hey, bonbon interactif, si c'est le premier, là, on... Ça a découlé après, hein? C'est ça? C'est quoi les prochains bonbons interactifs qu'on a en ce moment? Ben, interactifs, moi, en tout cas... Tu peux tremper dans de la poudre, là, le petit bâton? Ben, je dirais la bague. Oui, oui, oui. Parce que clairement, ça peut faire d'autres choses. Les sprays qu'on a déjà goûtés à l'émission? Il y en a pas mal, là. Ouais. Je te dirais qu'ils sont pas mal tous rendus interactifs, quasiment. C'est le fun. Ensuite, fabriquer les pelles, c'est un travail assez difficile, à haute pression, nous dit-on. C'est parce que les ingrédients crus des bonbons pèse doivent survivre à 3000 livres de pression pour devenir ces petites tablettes. Et là! Ouais, chaque emballage de pèse a seulement 12 bonbons, ce qui explique pourquoi ils ont l'air de disparaître si rapidement quand on les mange. Parce qu'on les mange vraiment rapidement. C'est ça. Les bonbons, les distributeurs pèse, en fait, sont fabriqués en Chine, en Slovénie et en Autriche. Pardon, ensuite envoyé à la seule usine de bonbons pèse au monde qui est à Orange dans le Connecticut. Oh! Et là-bas, les bonbons et les distributeurs sont mis ensemble, emballés ensemble. Ensuite, si vous avez déjà voulu goûter un pèse d'une saveur très différente, il y avait des pèses à saveur de plante. Hein? À un certain moment, ils offraient des bonbons à saveur de chlorophylle. Ugh. C'est moins pire quand tu dis chlorophylle parce que c'est des boissons chlorophylle. Ouais. T'aimes pas ça? Ben, ça dépend. Le kombucha, là, non? Ouais, mais il est mélangé avec autre chose. T'as raison, c'est jamais juste chlorophylle. Juste la chlorophylle, pas sûr, ça goûte grand-chose. Je sais pas. D'autres saveurs spécialisées, réglisse, café, cola et ananas. Café? Café, oh oui. Faudra en trouver, mais malheureusement, on n'a pas accès à Internet. Non, c'est... On va le dire plusieurs centaines de fois aujourd'hui. C'est sûr. Donc, les pèzes à l'amande poivrée, les originales, ont fait leur petit comeback. Et puis, depuis ce temps, pèzes se vendent dans 60 pays. Les saveurs peuvent varier. Une saveur très populaire, la pêche, n'est pas disponible aux États-Unis. Quelle tristesse. Je sais bien. Ensuite, des vraies personnes sont devenues des distributeurs de Pez. Ah oui? Parce que Pez a souvent des personnages fictifs, des animaux sur ses distributeurs, mais ça a mené au mythe que les humains ne pouvaient pas apparaître sur les distributeurs de Pez. Mais ce n'est pas vrai. Contrairement à la croyance populaire, il y a plusieurs vraies personnes qui ont été des distributeurs Pez. En 1976, Betsy Ross, Paul Revere et Daniel Boone étaient sur les distributeurs Pez commémoration du bicentenaire américain. Ah oui? D'autres commémoratifs, c'était entre autres les présidents américains. Ben oui. Les membres du groupe KISS. Oh. Et la sélection de vraies personnes n'est pas aussi grande parce que la compagnie est très sélective. Il y a eu des demandes récemment d'avoir Kim Kardashian sur un distributeur personnalisé et ils ont dit non merci, désolé. J'espère. Nope. Nope. Merci. Ramasser des pèzes, collectionner des pèzes, ça n'a pas commencé cette mode-là avant les années 90. Pèzes était populaire parmi les enfants baby boomers, les enfants des années 80, mais c'est pas avant les années 90 que le collectionner les distributeurs est devenu une grande business. Les pèzes heads, comme on les appelle, les collectionneurs de pèzes, ont créé donc une espèce de folie où les prix des distributeurs vintage ont vraiment monté super haut pendant le rush de Pez, donc vraiment la plus haute mode. C'était en 1994. Le revendeur John Devlin disait que les Pez avant les années 90 étaient échangés comme des cartes de baseball à la place d'être vendues. Les gens disaient, je vais te donner deux distributeurs pour que tu me donnes un de tes distributeurs. Les prix ont ensuite vraiment monté et certains collectionneurs ont même créé des contrefaçons pour encaisser un petit peu d'argent sur cette mode-là. Donc les petites mentes pour les fumeurs. Tout ça rendu à ça aujourd'hui. Tout ça, c'est incroyable. Hey, c'est le fun. Ouais. Mais c'est bon aussi des pèzes. Très bon, mais j'ai pas mangé ça depuis la dizaine, je pense. J'essaie de me remémorer, c'est quand la dernière fois j'ai mangé des pèzes. Non. C'est ça. We don't know. Je sais vraiment pas. On s'en a, peut-être qu'il y en aura à goûter plus tard. Ouh, peut-être. Mais je sais pas. On sait pas. On n'a aucune idée, mais une grosse pointe tendresse s'en vient. Oui. Puis il y a peut-être des bobos. Peut-être. Peut-être. On est rendu à une pause. Oui. Ouais, on a une demi-heure de contenu Internet sur notre téléphone, de fait. C'est déjà bon. L'émission pourrait être longue aujourd'hui. On a bien fait ça. Donc, on vient dans quelques instants avec plus d'assemblage requis. Restez. Toujours à Assemblage Requis, on est jeudi 16 novembre 2017, Tania Baudin et Mathieu Plante avec vous jusqu'à 10h. Avant de continuer, on écoute une pièce de Gasoline. Voici Yugen à Assemblage Requis sur C'est fou. Yugen, je te regarde sous la pluie des arbres. J'ai parfois peur que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Loin de nous, Yugen, qu'est-ce que tu vois? Est-ce ma voix, mon amour? Yugen, Yugen, ça se promène dans mes veines. Yugen, j'ai peur que les mots aient tué la beauté des poèmes. Sur des pages, j'ai parfois peur que les larmes ne me manquent plus jamais. Loin de nous, Yugen, est-ce qu'on y croit? Est-ce que croit notre amour? Yugen, Yugen, ça se promène dans mes veines. Yugen, j'ai peur que les mots aient tué la beauté des poèmes. Ça se promène dans mes veines, Yugen. J'ai peur que les mots aient tué la beauté des poèmes. De Gasoline à Assemblage Requis. C'est calme, j'aime ça. C'est très calme. Très matinal comme chanson. Oui, oui, en effet. Maintenant, quelque chose qui est matinal, c'est la voix de Tania Baudin. Si Tania's got to entertain you. Pas tous les jours, la plupart. Ce matin, oui. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do petit changement de plan pour l'instant, on fera pas le tour de nouvelles tout de suite. Non. Alors, on va parler de suggestions de cadeaux. Oui, exactement, parce que, bon, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est assez difficile de pouvoir ouvrir 15 liens en même temps sur un téléphone cellulaire. Ouais, on n'a pas Internet sur les ordinateurs aujourd'hui. Non, c'est ça. Alors, j'ai décidé d'y aller avec une autre idée qui m'était sortie cette semaine. Je suis tombée sur un article qui parlait d'idées cadeaux à faire nous-mêmes. Oh. Et là, on est pas mal dans le temps où on pourrait commencer à les faire, justement, tout dépendant de votre habileté à faire quelque chose de manuel. Alors, si vous n'êtes pas nécessairement manuel, c'est le temps de commencer parce que vous allez pouvoir recommencer si vous vous trompez. Toi, tu penses vraiment qu'on peut devenir tout dans la vie? Hein? Ben pas, oui, c'est pas une question de talent inné. Toi, tu penses qu'on peut... Tout le monde peut devenir bon chanteur, bon musicien, pas nécessairement. Bon acteur... Je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer oui. à quelque chose. Ça se peut que ton cadeau il soit laid, mais ta grand-mère qui va le recevoir, elle va l'aimer pareil. Non, si tu m'as dit ça l'autre fois quand on regardait, je pense, des sports à TV, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de talent inné, c'est tout ta Non, ça. Je disais que c'est quelqu'un qui avait dit ça dans la vie. Ah, tu citais quelqu'un d'autre. Oui. C'est comme quand t'es vulgaire, dit... tu dis, ah, oh, je citais Falardeau. <je crois. rire> C'est ça. Non, mais il y a un artiste qui disait dans la vie que, bon, le talent n'existait pas, tout s'apprenait, blablabla. Bla, bla. Puis ça différenciait aussi, en fait, en termes de temps que tu vas mettre à ce projet-là. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut apprendre à chanter, par exemple, si tu te mets à passer beaucoup de temps, pas nécessairement juste à chanter, mais à t'améliorer pour le chant, c'est-à-dire que tu vas prendre des leçons, tu vas travailler là-dessus, tu vas te pratiquer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu n'auras pas mais un talent une voix inné. De cul. Oui, mais ta voix est de cul parce que tu sais pas quoi faire avec. Tu penses vraiment? Je pense que oui. OK, je te laisse ça pour toi. Moi, je suis pas d'accord. Sinon, les enseignants de chant feraient pas d'argent. J'ai vu des gens qui ont travaillé vraiment longtemps sur leur chant et qui pensent oui, qu'ils sont très bons, mais sont vraiment mauvais. Ça, je suis d'accord. Mais... c'est ça. Non, mais tout le temps, hein, c'est ça. Ah, c'est ça. Je citais quelqu'un d'autre. Tout ça ouais, pour ouais. dire ça, Mathieu. Ouais, tout ouais. ça pour dire ça. Donc, un cadeau de Noël, en fait, réussi, c'est un cadeau qui vient du cœur. On le dit souvent, c'est pas l'argent qui compte, c'est l'intention qui compte. Donc, qu'on offre avec le sourire, si on est encore un petit peu plus fébrile en donnant ce cadeau-là, espérance, c'est... Non. Je sais pas si c'est les bons boutons, j'ai essayé de tousser, je t'éteins toi, je sais pas quoi, je m'excuse. C'est correct. En espérant sincèrement que ça va plaire à la personne à qui on le donne, bien, on va justement faire plaisir à quelqu'un, puis ça va vraiment venir de nous. Ben oui. Donc, le cadeau à fabriquer nous-mêmes de façon DIY, do it yourself, on aime ça, puis surtout en 2017, je pense que la façon d'être écolo, d'être un petit peu plus écologique, de voir les choses d'une deuxième main aussi, ça fait en sorte que ça peut faire des cadeaux très intéressants. Donc le principe, en fait, c'est très, très simple, c'est offrir un présent qui va être unique et personnalisé, qui va être fait à la main, donc que ce soit bougie artisanale, cadeau gourmand, on aime ça le do-it-yourself, fait que là, t'es un mois et demi d'avance. C'est le temps de t'y mettre. C'est le temps de t'y mettre parce que si ta chandelle ne pogne pas comme du monde, comme je le disais tantôt, tu vas pouvoir la refaire. C'est merveilleux de ce côté-là. Donc, ensemble, il y a certaines personnes qui ont créé le comité de défense contre les chèques cadeaux impersonnels. Ah ouais, ben là... Ben, ma mère, je pense que ma mère fait partie de ce comité-là. C'est comme une règle. J'ai pas le droit de demander une carte cadeau ou un... Ou du cash. Ouais. Ou justement un chèque cadeau. On s'entend que c'est ma mère c'est aime pas ça. Cadeau à recevoir, non? Ben ça dépend. Tu peux t'acheter ce que tu veux. Oui, mais dans ce temps-là, ça fait en sorte que la personne qui te l'offre... Elle veut ton bonheur. Ben oui, elle veut ton bonheur, mais elle a moins ce petit côté-là. Tu sais, entre amis, je suis d'accord, mais en famille, okay. C'est tout le temps un petit peu plus délicat. En tout cas, moi, je suis d'accord avec ça. Donc, abat le chèque. On va essayer de faire les choses en grand. Et, bien, on a, par exemple, un café gourmand à faire soi-même. Donc, avec un cadeau gourmand, on sait qu'on peut, on peut pas nécessairement commettre de faute de goût. Et c'est sûr que à la base, si vous faites un chili à quelqu'un qui aime pas trop la sauce tomate, ça se peut que ça aille mal. Mais déjà, à la base, si vous décidez de faire un cadeau fait par vous-même pour quelqu'un d'autre, vous connaissez déjà approximativement certains de ses goûts. Donc, on fait sincèrement plaisir à son destinataire. Puis, en plus, on va le prendre par l'estomac. Donc, il n'y a rien de mieux. C'est un sans faute, surtout si on on y va du côté masculin. Et si vous n'êtes pas cuisinière ou cuisinier, bien, il n'y a pas de panique parce qu'il y a plein d'idées cadeaux gourmands sur Internet que vous pouvez trouver. Et c'est ultra simple à réaliser. Donc, par exemple, vous pouvez trouver du sel aromatisé, un kit à biscuits, des cadeaux faits maison qui font des petits gâteaux. Vous pouvez y aller avec une recette. Tu sais, c'est très populaire ces temps-ci, là. Vous allez avoir un pot maçon. Ouais. Puis, en étape, vous allez avoir à l'intérieur ce qui va composer quelque chose. Donc, par exemple, un gâteau, un brownies ou peu importe. C'est le genre de cadeau qui est quand même assez le fun à recevoir, je dois l'avouer. Il y a quelques années, j'avais reçu quelque chose du genre, justement, ma cousine qui avait fait des recettes de chocolat chaud dans des pots maçons avec une petite bouteille de Belize qui était accrochée au pot maçon. Ah. L'idée est simple, l'idée est cute, puis c'était tellement pas compliqué à faire, puis ça va peut-être juste aider votre budget aussi en même temps de ce côté-là. Donc tout le monde va être gagnant dans cette histoire-là et c'est le fun à recevoir. Honnêtement, j'étais pas déçue de recevoir ça, très loin de là. Sinon, pour les femmes, un cadeau pour une femme à faire soi-même. Le temps des fêtes, c'est aussi le temps où on va se dire « je me fais plaisir ». Ça va souvent arriver après la date de Noël, mais parfois, si vous n'écoutez pas nécessairement les lutins comme vous devriez les écouter, vous allez le faire avant. Donc, un bijou, si on décide de le faire soi-même, bien c'est tout à fait quelque chose qui va être personnalisé automatiquement parce qu'on va essayer de le faire à notre image, à nous-mêmes. Donc, c'est un cadeau qui peut être beaucoup plus romantique, mais qui va droit au cœur. C'est des cadeaux qui sont ultra simples à réaliser, encore une fois. Et l'effet final, souvent, ça va être très impressionnant. Si vous avez déjà à la base un petit côté là, artistique, ça peut être incroyable ce que vous pouvez réaliser. Et souvent, les gens qui aiment les bijoux, les gens qui aiment les produits de beauté et tout ça, bien, on peut y aller avec un beurre corporel ou encore un savon qui va être fait à la main. J'ai vu quelques idées sur Internet. J'ai lancé l'idée à ma cousine, parce que ma cousine est bonne dans les do-it-yourself. Et on se fait des cadeaux durant le temps des fêtes. Disons que cette année, si tu veux me faire quelque chose, ben j'aimerais bien ça, moi, un petit savon de même. Tu sais, j'ai donné quelques subtil, idées. Mais, oui. Mais c'est tout en le fun, parce que automatiquement tu vas l'utiliser. Il y a cette idée-là aussi que quand tu fais un cadeau personnalisé par toi-même, bien, automatiquement, tu vas réfléchir à qu'est-ce que la personne a besoin, qu'est-ce que la personne aimerait recevoir. Automatiquement, tu ne vas pas y aller dans un kit déjà tout fait que la personne va laisser sur une tablette pendant 100 ans. Je pense que c'est une idée qui est une valeur sûre. Ouais. Surtout cette année, j'ai même moi-même pensé à faire des cadeaux do-it-yourself cette année. C'est le manque de temps, OK? Je suis désolée à tous ceux qui en voulaient dans ma famille. Donc, par la suite, décoration. Ouais. Y a-t-il quelque chose de plus facile à faire que des décorations parfois? J'sais là, pas. Quand je parle de décoration, je parle de décor plus que de décoration. Donc, si, par exemple, on veut offrir de la décoration pour une chambre ou on veut offrir de la décoration pour un salon, une cuisine... Les fameuses guirlandes de lumière dorée, là, depuis quelques années, là. Y a juste non, mais, ça partout. Je parle pas nécessairement de ça, mais souvent, on va y aller avec un cadre qui va être vide, puis on va essayer de le personnaliser. C'est le fun à recevoir, que ce soit par une amie ou que ce soit par quelqu'un qui va être près dans ta famille. Si c'est, par exemple, ta meilleure amie, elle t'offre un cadre personnalisé sur lequel ça a pris du temps, elle s'est appliquée, tu sais qu'elle n'est pas manuelle, mais elle l'a fait. C'est tout le temps quelque chose qui va venir te réconforter que de l'installer dans ton salon. Voilà. En tout cas, je pense. Ben oui. Je tiens à dire que mon père, non. Si vous lui faites quelque chose comme ça, ça ne serait pas du genre à l'accepter. Il va faire ou quoi? À ne pas l'exposer. Il ne va pas l'accepter. Non, il va l'accepter, mais il ne le mettra pas. J'en veux pas. Sinon, dans les décorations de Noël, parfois on y pense pas, mais on a des parties de Noël qui vont arriver le 24 décembre. Noël, les décorations peuvent durer jusqu'au mois de janvier, ouais. Bien souvent. Si encore une fois vous êtes du type artistique, là, une décoration personnalisée sur, par exemple, une planche de bois, ça peut être quelque chose qui va devenir une tradition aussi. Moi, pendant longtemps, j'ai une tante qui est extrêmement douée en dessin. Je la salue, Martine, Tantine. Elle est extrêmement douée en dessin, en peinture et tout ça. Donc, pendant plusieurs années, elle nous amenait à chaque Noël une décoration faite, mais différente pour chaque personne de la famille, chaque famille. Donc, on a, par exemple... C'est ça. Donc, elle a trois frères et sœurs, mais elle en faisait trois. La famille recevait ce cadeau-là. On sait qu'elle a passé beaucoup de temps à le faire. C'est quelque chose qui est le fun à recevoir parce que tu sens cette émotion-là à un certain point que la personne a mis dans le travail qu'elle a commis. Et quelque chose d'artistique comme ça, de la peinture, ça prend du temps. Donc, la valeur du temps qui est attribuée à un cadeau comme celui-là, on dirait que tu prends un petit peu plus conscience de ce qui a été mis en valeur justement dans cette belle petite peinture. Sinon, il y a des pots à fleurs, des pots à plantes. On le sait, ces temps-ci, là, il y a plein de ventes de fleurs, de plantes, de vivaces, puis tout ça. C'est quelque chose qui est très populaire. De faire un assortiment, oui, c'est ça le mot, de pots. Pour quelqu'un qui trippe sur les plantes, c'est le fun aussi à recevoir. Ça va être personnalisé. Pas besoin d'aller chez Winners puis de t'acheter 6 pots à 60$. Tu peux aller sur Pinterest, voir des idées et les faire toi-même. Et souvent, souvent, ça va faire beaucoup plus plaisir à quelqu'un de recevoir ceux-là que ceux qui vont déjà avoir été tout faits, qui t'ont coûté 60$, parce que tu vas avoir pris le temps de le faire. Donc, déjà en partant, si vous allez sur, par exemple, Pinterest, Instagram, vous faites juste quelques idées, vous allez faire du repérage dans les magasins, vous allez avoir une petite tendance à découvrir ce que vous pourriez faire manuellement. L'idée, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses. Hein. Si on est très, très forte, par exemple, en peinture, ben, on va y aller avec quelque chose de très artistique. Si on n'est plus, cuisine, si on n'est plus soins beauté, bien, il y a des recettes qui vont être très, très simples à faire. Il y a aussi tout ce qui est naturel. On parle souvent des huiles essentielles. On parle souvent des baumes, des petites bombes de bain que, par exemple, on peut retrouver chez Lush, pour ne nommer qu'eux, parce qu'il y a quasiment juste ceux qui font ça. Bien, c'est faisable à la maison, sachez-le. Et là, je vous le dis encore une fois, on est un mois et demi avant le temps des fêtes. Donc, si vous vous dites, je me lance dans la confection de bombes de bain, j'en fais, je sais pas moi, un paquet de 6 à quelqu'un, on peut y aller avec des huiles essentielles qu'on va trouver nous-mêmes. On peut y aller aussi avec des produits naturels à l'intérieur, pas de produits chimiques. Et aussi, bien, encore une fois, si vous vous trompez, vous allez avoir le temps de recommencer. Donc, pour ceux que ça intéresse de faire du do-it-yourself pour le temps des fêtes, je vous le dis, vous allez pouvoir peut-être même voir une réaction différente des gens à qui vous allez l'offrir durant le temps des fêtes, parce que ça va venir chercher émotionnellement quelqu'un d'une façon différente que tout simplement lui donner un foulard ou lui donner une montre. Si vous êtes dans la confection de bijoux, là, on en a parlé un petit peu, bien, automatiquement, vous êtes artistique. Moi, je me lancerai pas là-dedans personnellement. Mais tout ce qui est gourmand, tout ce qui est savon et tout ça, ça serait plus mon genre. Ça serait quelque chose que je pourrais offrir. Donc, allez-y en simplicité. Souvent, on veut trop se compliquer la vie dans les cadeaux de Noël. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on se ramasse à les acheter. Si on y va en simplicité, si on sait déjà en partant que la personne à qui on veut offrir ça, elle est simple, rester en toute simplicité. Voilà. Voilà. Le message est passé. Oui. Et les cadeaux de Noël, hein, c'est pas mon domaine. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, Mathieu les fera pas lui-même, il va les acheter. Ouais. Ou il va payer quelqu'un pour les faire. Hey! Pas drôle. Blague, blague. Tu charges combien? Je savais t'allais y passer. C'est ça. Merci, Tania. Fait plaisir. Tania is gonna entertain you. Une deuxième chronique plus tard. Oui. Les actualités, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais pour l'instant, on écoute The Pack 80. Voici la pièce Dollhouse. Si tu veux fabriquer une maison de poupée, t'as bien beau. De ta assemblage rookie. Sur CIF. 89 FM. Just relax. Dollhouse par The Pack 80. Au retour de la pause, après le... Non, c'est le vrai, le faux. Le vrai, le faux. Le vrai, le faux. Vous êtes assez fou. 89.1. Deuxième heure à l'Assemblage Requis, ce jeudi matin, sans Internet. 16 novembre 2017, avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante, vous devriez nous voir travailler sur nos cellulaires présentement. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui seraient fières de nous. Ah, vraiment, on travaille fort. Mais, tu sais, on dit ça juste parce que ça excuse le fait qu'on est moins hot que d'habitude. Et qu'on se trouve hot d'habitude. Oui. Bref. Mais là, on se trouve hâte de pouvoir travailler tout ça sur nos cellulaires. On doit se le dire. Bref, tout à l'heure, il va y avoir notre amie Catherine Langlois pour la chronique Voyage vers les 8h30. Stéphanie Paradis devrait être là vers les 9h. Une grosse pointe adresse à 9h30. D'ici là, ben, on va essayer de rentrer tout ce qu'on a à faire. Si tout va bien, ta chronique de nouvelles dans quelques minutes. Oui, ça sert bien. Sinon, on va faire du le vrai le faux. On va voir comment on gère ce temps-là, dépendant de comment l'émission se passe. Mais pour l'instant, on écoute Zen Bamboo. Zen Bamboo. Voici Poupée Voodoo. Yeah. tout à Assemblage Requier. Encore une fois, petit changement de plan. Je voulais qu'on se renvoie la balle, que je fasse une chronique entre les deux tiennes, mais on veut être sûr que tout rentre. Oui. Donc, si tout va bien, le plan d'émission devrait tenir. Donc, on n'a pas le choix de faire ta chronique maintenant. Exactement. La voici, c'est Agnès Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. J'ai comme un petit moment de déjà vu. On dirait que je viens juste la chanter il y a à peu près 10 minutes de ça, mais bon. En effet, ça fait pas très très longtemps. Pas vraiment, non. Bref, c'est la chronique du tour de l'actualité. Tout ce qui a reçu, retenu Tania Tancier. Oui, exactement. Je commence tout ça avec le sport, Mathieu. Quasiment une petite tranche dans piste avec Tania Baudin. Et pas le retour. Presque. L'hiver s'en vient. Et les courses de chars aussi, c'est ça? C'est ça. Tania est en manque, fait qu'elle commence à gruger un petit peu d'informations partout là-dessus. Mais en fait, je vous parle du Scusa Pro Tour qui a lieu en fin de semaine du côté de Las Vegas. Scusa-moi? Scusa-moi. c'est le Scusa, donc c'est une compétition de karting de compétition, on va se le dire. C'est pas du go-kart que vous pouvez aller faire de la location. Là. C'est vraiment des bons cards qui vont pas mal très très vite. Ils vont se foncer dedans puis ça va dire scusa. C'est ça exactement. Ou scusi parce qu'il devrait y avoir plusieurs Italiens qui sont là, mais il y a aussi plusieurs Canadiens qui ont décidé de s'y rendre, surtout entre autres du côté de Robert Wickens qu'on va voir du côté de la IndyCar dans la prochaine saison. Donc, on se rappelle, Robert Wickens, c'était un pilote de DTM canadien. Mercedes a décidé de se lancer du côté de la formule électrique plutôt que de rester dans la DTM. Et Robert Wickens, grâce à ça, a réussi à avoir un volant du côté de la IndyCar avec l'autre Canadien, James Hinchcliffe. Donc, c'est merveilleux. C'est comme la meilleure team qu'on n'aurait pas pu avoir. C'est deux gars qui coursaient ensemble quand ils ont commencé du côté du karting en Ontario. Et là, il a décidé d'aller du côté de Las Vegas cette fin de semaine parce que le karting, en fait, c'est le meilleur entraînement qu'on pourrait pas avoir pour un pilote de course automobile, surtout du côté de la formule. Alors, Robert Wickens a décidé que cette fin de semaine, ça allait être une bonne fin de semaine d'entraînement en vue de sa prochaine saison à IndyCar. Et il y a aussi Zachary Clément de Mello qui a décidé de retourner cette année du côté de Las Vegas parce que l'année dernière, tout se passait bien pour Zachary Clément de Mello. On était premier pendant une bonne partie de l'épreuve et au dernier tour, quasiment là, au dernier virage, c'est là que ça s'est joué. On est tombé en deuxième position et Zachary Clément de Mello dit qu'il n'a pas terminé avec le Scusa. Alors, on y est retourné cette année pour justement terminer ce qu'on avait débuté l'année dernière. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je tiens à vous dire que si jamais ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez avoir la couverture de cet événement-là sur le site EKN, donc eKarting News. Et ça va être en type radio et non pas vidéo. Yep. On a vraiment voulu miser sur la simplicité pour la première diffusion de l'événement depuis un bon nombre d'années. Alors, si jamais ça vous intéresse d'écouter un petit peu, ça devrait être très intéressant. C'est sur ekartingnews.com. Cool. Voilà. Robert Wickens, là, si tu veux l'appeler pour que demain matin, il puisse animer Assemblage Rocky édition Wickens. Wickens. Oui, bon, j'ai lancé un petit coup de fil, Mathieu. Sinon, du côté un petit peu plus... sérieux, disons ça comme ça, dans les choses un petit peu plus sérieuses. Eh bien, Ottawa a décidé de lancer un site web pour suivre le progrès des promesses électorales. Donc, des 364 missions confiées par Justin Trudeau à ses ministres, il y en a 67 qui ont été complétées totalement dans la dernière année et 3 sont plus envisagés. Donc, il y en a d'autres, comme la promesse d'équilibrer le budget en 2019-2020, pardon, qui sont en cours, mais on a des défis. Alors, on a tout simplement décidé de lancer un bilan et on a communiqué un petit peu plus tôt cette semaine le bureau du conseil privé que le ministère du premier ministre, au jour du lancement d'un site web, vise à rendre compte des progrès du gouvernement libéral qui vient de franchir le cap du mi-mandat. On doit se le dire. Donc, en collaboration avec divers ministères, il y a des fonctionnaires du BCP qui ont établi que le gouvernement est en voie de livrer 218 engagements, ce qui veut dire, par exemple, qu'un projet de loi a été déposé ou encore que certaines démarches ont été entreprises. En conférence de presse à Ottawa mardi matin, il y a un haut fonctionnaire du bureau du conseil privé qui a reconnu que la façon d'évaluer le progrès de certains engagements contenus dans les lettres de mandat ministériel pourrait faire l'objet de discussions chez les Canadiens. Et l'appréciation de l'avancement de cette promesse-là d'atteindre justement l'équilibre budgétaire en 2019 et 2020 a été classé dans la catégorie en cours avec défi. Donc ça le fait lever quelques mains de certains journalistes qui assistaient à la séance d'information technique, et le haut fonctionnaire a plaidé qu'il fallait pas voir ce site comme un bulletin, mais plutôt comme un outil de suivi des promesses et de la plateforme libérale, ou plutôt une évolution du travail des ministres, mais plutôt comme une façon pour le gouvernement de montrer qu'il est ouvert et transparent présentement. On veut vraiment mettre de l'avant comme quoi on travaille sur les projets. On se rappelle, c'est toujours difficile de souvenir aussi quelles promesses ont été faites, quelles promesses ont été gardées, quelles promesses ont été travaillées. Alors grâce à ça, maintenant, on va tout simplement pouvoir avoir un meilleur suivi. Et le site web doit être mis à jour aux 2 semaines environ, c'est ce qu'a dit le gouvernement. Et si jamais ça vous intéresse, bien, il faut tout simplement aller au www.canada.ca/résultats au pluriel, et vous devriez avoir les consignes pour savoir qu'est-ce qui se passe du côté des promesses qui ont été faites un petit peu plus tôt dans l'année. C'est une bonne initiative, même si c'est le gouvernement qui le fait lui-même, donc ils vont sûrement essayer de trouver une façon de rendre chaque affaire... Alors, bonne image pour probablement, mais écoute, on se dit qu'on veut être transparent. Alors, si on est transparent, on va être transparent sur plusieurs choses. Ouais. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir pas mal de promesses dans la catégorie avec défi. C'est ça. Et au moins, c'est le fun versus les États-Unis qui essaient, échouent dans chacun de leurs projets. C'est ici, ça. Ici, au moins, il y a quelques affaires qui ont déjà fonctionné depuis le début de leur mandat. Et ça fait quoi, tu disais? Ça faisait combien mi-mandat, de temps? Mi-mandat, là. On était mi-mandat, donc ça fait quoi? C'est combien de temps les mandats? Ouais, c'est ça. Ça fait un bout. Les Américains, ça fait un an. Trump qui était élu, il était en poste depuis janvier. Ça fait quoi? 11 mois? Ouais, à peu près. Tu sais? Qu'est-ce qu'il a accompli? Rien? Pas grand-chose. À part des mauvais résultats, c'est pas grand-chose. Il y a 15 000 scientifiques qui nous préviennent que l'humanité court à sa perte présentement. Oui, sachez-le, parce que la situation s'est détériorée au cours des 25 dernières années. Donc, c'est du côté du devoir. C'est une crise climatique de plus en plus impossible à enrayer. Croissance rapide de la population mondiale, on parle aussi d'extinction massive d'espèces, on en a déjà parlé, j'ai déjà discuté de ça dans plusieurs de mes chroniques, et on parle aussi de destruction généralisée des milieux naturels. Bref, ça va pas bien à chop, et le péril auquel fait face l'humanité ne cesse de grandir. Et il y a 15 000 scientifiques qui préviennent, en fait, l'humanité entière, justement, qu'on court à notre propre perte. Donc, on a mis en garde pas mal tout le monde. On l'a fait avec assez d'ampleur aussi. C'est quelque chose qui a été publié lundi. Donc, en 1992, il y avait un groupe de 1700 scientifiques, dont certains lauréats du prix Nobel, qui signifiait et qui signait aussi un premier avertissement dans lequel il détaillait les raisons qui poussaient les êtres humains vers une collision frontale avec l'ensemble du monde qui vivait justement une gestion de la terre et de la vie qui allait pas bien. Les auteurs de cette déclaration-là insistaient entre autres sur les risques que représentait le réchauffement climatique, le recours massif aux énergies fossiles, la croissance continue de la population mondiale, la déforestation qu'on continue à voir et à voir. On voyait aussi la destruction de la biodiversité des écosystèmes de la planète. Donc, il y avait autant de phénomènes qui étaient susceptibles de provoquer de grandes misères humaines. Et ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Ça a juste continué parce qu'on a un petit peu mis de côté tous les scientifiques qui nous mettaient justement la puce à l'oreille. Et on a des changements profonds. On a des changements qui ont été encore plus problématiques dans les dernières années. Donc bientôt, ça va être beaucoup trop tard pour tout simplement décider d'inverser cette situation-là qui est très dangereuse. Et depuis 25 ans, la réponse de l'humanité se résume pas mal à un échec quasi généralisé de ce côté-là. Non seulement l'humanité a échoué à accomplir des progrès suffisants pour résoudre des défis qui étaient environnementaux, qui étaient annoncés, qui étaient déjà mis en place, mais c'est très inquiétant de constater que la plupart d'entre eux se sont considérablement aggravés. Donc c'est là qu'on est rendu. On le dit depuis quelques temps maintenant, on peut plus tout simplement décider de faire une certaine différence. Il faut agir à son plein pouvoir présentement. Et c'est ça qui fait peur. C'est que ça fait quand même depuis 92 qu'on est mis, qu'on a été mis la petite puce à l'oreille et qu'on n'a rien fait. Donc, ça fait quand même un bon 25-26 ans qu'on réalise qu'on court à notre propre perte. Et là, là, faut agir. Faut juste... On n'apprendra jamais, je pense. On n'apprendra pas, non. Je pense pas. Du côté sportif, encore une fois, bien, l'Agence mondiale antidopage. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, mais la dernière fois, on en avait... La dernière fois. Lors des derniers Jeux olympiques, on avait entendu parler que la Russie me semble aussi, ouais. était dans l'eau chaude pas mal. Bien, ça change pas. Ah. On maintient le cap. On maintient surtout la suspension de l'agence russe antidopage. Donc, l'agence mondiale antidopage a décidé de maintenir cette semaine la suspension de l'agence russe antidopage qui s'appelle Rusada, à moins de 3 mois des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, où la participation des athlètes russes est toujours en question. Donc, on ne sait pas encore si la Russie va pouvoir faire partie des Jeux olympiques prochainement. Donc, la décision n'a pas fait l'objet de vote formel, sachons-le. Ça a été approuvé à Séoul lors d'un conseil de formation de l'AMA qui a suivi l'orientation de son comité exécutif. Donc, Rusada avait été suspendu par l'AMA en novembre 2015. Au début du scandale qui a débouché sur la révélation d'un système de dopage qui impliquait, entre autres, de nombreux athlètes russes de l'État russe, du ministère des Sports et au service secret FSB. Donc, ça s'est fait sur une période de 4 ans. On a enquêté et en 2015, bon, ça l'a tombé. On a décidé de, justement, évincer certains athlètes. On se rappelle, il y en a certains qui ont tout simplement pas pu participer à leur épreuve parce qu'ils étaient déjà sur les lieux. Ça a été un petit peu problématique de ce côté-là, mais bon, l'AMA attend toujours une reconnaissance claire par Moscou des conclusions qui avaient été faites. On parle aussi d'un rapport qui n'a pas nécessairement de retour de ce côté-là. Donc, on attend certaines choses du côté de la Russie. L'AMA doivent avoir ces résultats-là avant un certain temps et pour le moment, on ne les a pas. Donc, ça fait en sorte que la Russie n'est pas certaine de pouvoir participer aux Jeux olympiques d'hiver du côté du Japon. Corée du Sud, oui, exact. Ça? Donc, Pyeongchang, oui, c'est ça, exact. Là-bas. On ne sait pas encore. Ça reste un bon gros point d'interrogation. Ouais. Ils doivent s'entraîner, j'imagine, quand même, hein, parce que si tu te fais dire oui, finalement, on a comme pas entraîné pas de nos personnes, fait qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent. Oui, d'après moi, il y a encore un entraînement qui se fait, mais ça doit être beaucoup plus supervisé. Sûrement. Comme entraînement, j'imagine. J'imagine qu'ils ont des jeux locaux aussi. J'imagine ici, au Canada, on a plusieurs... Oui, régional, provincial, ce genre de choses-là. J'imagine aussi qu'en Russie, ça se fait. Je sais pas, j'ai malheureusement pas réussi à voir si les Russes avaient participé aux Jeux mondiaux, parce que bon, les Jeux olympiques, oui, on le sait, c'est mondiaux, mais il y a quand même une classification avant tout ça. Tu te dois de participer au mondial, par exemple, d'un sport quelconque. Je sais pas. Si t'avais Internet, tu pourrais vérifier. C'est ça, mais malheureusement, présentement, j'arrive pas à pouvoir vérifier. Mathieu, nouvelle plutôt difficile du côté de l'Oblast. Ah, j'ai vu ça. On va fermer 22 magasins et ça sera pas rentable. Parce qu'ils sont non rentables, en fait. Donc, l'épicier L'Oblast a annoncé cette semaine la fermeture de 22 magasins non rentables de plusieurs bannières et formats au Canada au cours des prochaines semaines. Au Québec, l'entreprise exploite les supermarchés Provigo et Maxi, mais aussi les pharmacies Pharmaprix et les magasins de vêtements Joe Fresh. C'est vrai. Donc, les fermetures vont être pratiquement terminées d'ici la fin du premier trimestre de 2018. Donc, c'est triste. Ouais. Et de plus, dans les dernières semaines, L'Oblast a aboli environ 500 postes à son siège social et dans ses centres de service au magasin en raison de ces deux mesures de rationalisation. Donc, le géant ontarien va inscrire une charge d'environ 135 millions de dollars et prévoit réaliser des économies annuelles d'environ 85 millions de dollars en fermant ces 22 magasins-là. Et Colin. C'est triste. On avait ouvert 27 magasins dans la dernière année. Là, on va s'en voir fermer 22. Ouais. C'est... Pas les mêmes nécessairement, mais c'est vraiment triste. Non, c'est ça. C'est... On ne sait pas encore ce qui va se passer d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas encore dit quel magasin allait fermer. On ne sait pas si le Provigo va rester ouvert. J'en ai vraiment aucune idée. Ce que j'ai entendu par contre à travers les branches, c'est que Et ça n'a vraiment pas à voir grand-chose avec grand-chose, mais les points PC de Loblaws, oui, ça en vient de chez Pharmaprix. Oui, tout à fait. T'as vu ça? Ça va être... Les PC Optimum. Exactement, ça va être rejoint avec les Optimum, donc vous allez avoir plus de chances de faire plus de points. Voilà, dans les magasins qu'il restera. Tout à fait. Du côté nouvelle un petit peu plus heureuse pour certains, le gouvernement du Québec annonce une baisse d'impôts lors de, de sa mise à jour économique qui a été présentée le 21 novembre. Hein? OK. Le 21 novembre, pardon. Le futur! Oui, c'est ça exactement. C'est Back to the Future présentement. Donc, les contribuables québécois vont pouvoir profiter à court terme d'une baisse d'impôts dont l'importance va être connue lors de la présentation de la prochaine mise à jour économique du gouvernement Couillard mardi prochain. Ça devrait être mardi prochain. Le 21, c'est bien ça. Mardi prochain, voilà. Ouais. Donc, le ministre des Finances, Carlos Letao, a confirmé mercredi cette semaine qu'il va présenter sa traditionnelle mise à jour budgétaire le 21 novembre prochain et ça va être l'occasion d'alléger le fardeau fiscal des Québécois dont plusieurs personnes parlent de plus en plus. Donc, on a convenu du côté du ministre Letao qu'une réduction des impôts des particuliers annoncée pourrait même être substantielle, mais le ministre a refusé de fournir certains chiffres. Ça devrait être dévoilé mardi, donc on se garde quand même un petit suspense de ce côté-là. Et les Québécois vont avoir un allègement de leur fardeau fiscal pour les détails de cet important allègement-là. Il faudra attendre le 21 novembre. On n'a pas nécessairement le choix. Et plus tôt, le premier ministre Philippe Couillard avait fait l'annonce mercredi sur sa page Facebook en promettant de très bonnes nouvelles pour les contribuables. Alors, cette bonne nouvelle-là, ça devrait être la situation économique qui devrait être en meilleur terme. Et le Québec enregistre désormais des surplus, ce qui confère une nouvelle marge de manœuvre. Après quelques années d'importantes compressions budgétaires, là, on se ramasse un petit peu plus dans le positif. Et en 2014, les libéraux s'étaient engagés à consacrer la moitié des surplus budgétaires à la baisse du fardeau fiscal. Chose qui semble avoir été faite parce que, bon, on a des nouvelles positives de ce côté-là. Et le ministre Letao va également faire le point mardi sur le financement de la future stratégie de lutte à la pauvreté parce qu'on le sait, le Québec, on est quand même pauvre de ce côté-là et ça doit être annoncé par le ministre de l'Emploi, François Blais, avant Noël. Donc, Québec s'est engagé à sortir 100 000 personnes de la pauvreté. Ça reste à voir? Ouais. C'est l'Italien, ça, Mpola? Letao? Non, Mpola. Mpola. C'est... Ouais. Mpola. Ben, ça... Écoute, hein? C'est rare qu'on termine un bulletin d'actualité sur une bonne note. C'est ça. Comme ça. Faut continuer. Il faut continuer. Il faut surtout vérifier ce qui va se passer le 21 novembre, novembre, savoir si c'est vrai. Oui. Savoir si ça va se faire. Pas qu'on doute des politiciens dans la vie, là. Pas qu'on doute des politiciens dans la vie, mais non, voyons. On leur donne le bénéfice du doute. C'est ça. Mais ils n'ont pas de site Internet pour vérifier leurs promesses. Non. Non. Non? Ben non, je pense... Non. Non, je sais pas. Je sais pas, pas Internet pour aller vérifier. Ouais, c'est ça. Hey, on peut pas poser de questions aujourd'hui, en fait. Non, juste, c'est ça. On prend tout pour acquis. Tout est vrai. On tient à dire que si vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, on voit rien. Désolé. On s'excuse, mais on vous salue pareil. On vient dans quelques instants, en fait, plus tard. Oui. Si tout va bien. Si tout va bien. Catherine Langlois va être avec nous pour la chronique voyage. Si tout va mal, bien, on va voir ce qu'on va faire. Non, c'est déjà prévu, je l'ai annoncé tantôt. C'est ça. Mais pour l'instant, on écoute Busty and the Bass. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. C'est vrai. Quelques jours, voici. Hop, top! Assemblage Rookie! 89 FM. Turn it up. Did you think that I might turn my back and run away? You should know it's not my ordinary and not my everyday kind of way. But can I take a leap with you? Take a leap with you now. When it's rocky, I'll make it smooth. I'll make it smooth. If there's room for two, take a leap with you now. Oh, yeah. Up top, reaching up top, reaching up top, and it's rocky, I'll make it smooth. I'll make it smooth. Yeah, if it's rooting for two, take a leap with you now. Whoa, honey, I wanna know, can we get any higher? Avec Up Top, Assemblage Rocky. Assemblage Rocky, d'ailleurs, qui continuera dans un petit peu moins de 2 minutes. Ooh. Matinale avec Mathieu Blond et Taïa Baudin. Et que oui. Mm-hmm. On était censé y avoir Catherine. Ouais. Je suis pas sûr, Abad. On n'est pas certain. Pas sûr. On sait pas et où. On s'est fait poser un petit lapin, peut-être. On pense. Mais on va voir. Elle nous a ditch pour notre date. C'est ça. Notre date. Bref, on verra. Là, on va pas la blâmer sans savoir, mais non, mais sans la connaissance de cause. Mais tout ça, je vais pas. Et pour vrai, il n'y a aucun lien à faire. Mais on écoute Charlie. Avec morphine. Moi, ça m'a fait rire, mais c'est pas... C'est pas, non. C'est pas ça. C'est plus la morphine. Adore. C'est ça. Bien sauvé, merci. Ça fait plaisir. Yeah. ligne est mince entre bon et agressant. Ouais. C'est pas mal sa ligne. Charru avec Morphine, assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de faire ce qu'on craignait devoir faire. C'est le vrai et le faux. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment. Annoncer aux informations, deux ou trois mots à la radio et sur internet, une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. C'est le vrai, le faux, le petit quiz d'assemblage requis où Tania Baudin essaie de deviner ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce que j'avance. Il y a des semaines où elle est très bonne, il y a des semaines où elle est vraiment mauvaise, je te dis. Ouais, et puis là, j'essaie de me trouver une du papier. Du papier pour noter tous mes points. Prends Zone Campus, c'est fait de papier. Parfait. Encore pour l'instant. J'ai noté ça sur en dessous de ce qui est écrit sur la pub de la huître, c'est-à-dire ma femme. Ma femme? Ma femme? sa femme, c'est une huître? Je sais pas. Elle est pas un peu gluante? Je vais pas savoir. Pas. Bref, donc, le vrai, le faux, c'est toi qui vas décider si tu gagnes ou pas. Hein? Bon. Parfait. Je gagne! D'accord. C'est dit. Commençons par une vidéo que t'as peut-être vue sur Internet d'une femme qui joue au ping-pong avec son visage. Non. Donc, est-ce que c'est vrai? Non? Est-ce que c'est vrai? Non, mais je l'ai pas vu. Elle utilise en fait son visage comme raquette de ping-pong pendant une partie donc de tennis de table. Je peux même te montrer... Avec une vidéo, genre? Ben là, oui. J'ai pas le choix. À un moment donné. Non, non. J'ai vraiment la vidéo ici. Attention. Je te reviens ça de bord. OK. Ping-pong, ping-pong. Ben, je te dis c'est vrai. Tu vas dire que c'est vrai? Ça a l'air vrai? Ouais. Est-ce que c'est un match de tennis de tennis de table officiel et tout ça? Ouais, ouais, okay, cool. C'est faux! C'est faux! Prendre une balle au visage. Ben, c'est, en fait, c'est une publicité pour un produit de soins pour la peau. Ouais. Ah! Ouais. C'est carrément. Donc, la femme qui utilise sa face comme raquette pendant une partie de ping-pong est devenue virale sur les réseaux sociaux en octobre 2017. Le GIF à la base montre seulement une portion de la vidéo originale publiée par Tofu Moritayadaya. Tofu Moritayadaya sur la page YouTube en novembre 2015. Certaines scènes de gens qui jouaient au tennis de table. Le GIF manque les dernières images de la vidéo qui mettaient en vedette le logo de la compagnie de produits pour la peau. Donc, vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. En fait, on dit pas si, chez Tofu Moritayadaya, on dit pas si la vidéo de la femme qui utilise sa tête en tant que telle a vraiment eu lieu, ou si c'est de la manipulation numérique pour différentes raisons. Ça, on ne sait pas, mais en tant que telle, on sait que c'est pas vraiment une joueuse de tennis de table. Eh là là. Ensuite de ça, est-ce que c'est vrai que... C'est ça, les téléphones, faut que les pages rechargent chaque fois que tu cliques dessus. C'est vraiment le fun. Est-ce que c'est vrai qu'une... Ouf. Est-ce que c'est vrai qu'une femme a été coupée en deux pendant un accident fatal dans un ascenseur? Donc, ce serait une nouvelle d'un incident assez lugubre qui aurait tué une femme espagnole dans un hôpital peu de temps après avoir donné naissance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? L'ascenseur datait de quand? Là, attends un peu, là. c'est des questions assez précises, ça, là. J'ai pas la réponse live, là pour l'âge de l'ascenseur. Ça s'est passé à Sevilla, en Espagne. Ça se serait passé là, évidemment. Elle aurait été amenée à sa chambre après une césarienne. Je veux dire que c'est faux. L'article en tant que tel dit que c'est un mélange entre vrai et faux. Je vais te donner le faux. Je vais te donner le point au complet. En fait, ce qui est vrai, c'est qu'une femme à Sevilla en Espagne a été tuée dans un accident d'ascenseur dans un hôpital. Hein? Oui, ça a eu lieu après une césarienne. Ça, c'est vrai. Mais l'idée de l'article était de savoir si elle avait été coupée en deux. C'est ça le facteur important. Et la victime qui a succombé à ses blessures à la tête. Et elle n'a pas été coupée en deux. Donc, c'était sur le site web Science 2.0 qui avait rapporté cette histoire-là. C'est une mauvaise traduction, en fait, qu'on appelle... le reste des détails, le reste a eu lieu en fait. C'est Rocio Cortez, 25 ans, qui était tué dans un accident à l'hôpital de Valme à Sevilla en Espagne le 19 août 2017. Elle était amenée dans son ascenseur en route vers sa chambre après avoir donné naissance à son troisième enfant. Lorsque l'ascenseur a commencé à monter, même si Cortez n'était pas complètement à l'intérieur, sa tête a été donc écrasée entre deux choses, ce qui l'a tué. Hein. C'est vraiment assez morbide comme fin tout ça. Trauma sévère au crâne. Pourtant, l'ascenseur avait passé une inspection en août 2017, le même mois, le 12 août, en fait. On rappelle que sa mort était le 19 août. Une semaine avant, il avait passé l'inspection. Incroyable. Et c'est pas mal ça. C'était vraiment une question de traduction, hein, ouais. Il me semble, ça disait ça au début. Unclear translation, exactement. Ensuite, prochaine nouvelle, toujours dans le vrai le faux. Est-ce que c'est vrai que... Voilà. Qu'une femme enceinte s'est plaint du bruit de construction autour de chez elle, mais avec une cigarette au bec. T'as sûrement vu ça dans ta vie. Tu la verras peut-être pas de loin sur mon super téléphone, mais la femme qui est enceinte, visiblement, avec une cigarette à la main, et elle dit « Melissa Williamson, 35 ans, sur l'avenue Bullitt, se soucie des effets sur son enfant non-né, des sons des marteaux piqueurs autour d'elle. » Ça, c'est vrai. Ça ressemble à une parodie, mais c'est vrai, tu penses? Ouais. C'est vrai! T'as-tu? T'as tellement raison. Un article de journal qui est devenu viral il y a vraiment très longtemps quand même, d'une femme qui fume la cigarette et se plaint du son, du bruit autour. C'est vraiment un vrai article de journal. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Que pour le contexte, la femme exprimait, c'est ça, son souci sur les marteaux piqueurs, tellement que les lecteurs croyaient que c'était un faux article, mais en fait, c'est tout à fait vrai. La photographie était, oui, date du 20 septembre 2004, un article publié dans le Times de Roanoke en Virginie. Et puis l'article incluait cette photo tout à fait réelle de cette dispute entre la femme et j'imagine la ville. Il y a tellement de détails dans l'article. Ensuite, toujours à déterminer si c'est vrai ou si c'est faux, la prochaine nouvelle est: est-ce que c'est vrai qu'il y a de vrais squelettes qui ont été utilisés pendant la fabrication du film Poltergeist? Ah, je veux dire que c'est faux. Ok, pourquoi? Je veux savoir ton raisonnement derrière ça. Ben, tu peux pas vraiment aller déterrer des corps. Mais en fait, c'est illégal. Tu peux. C'est tout à fait vrai. Ouais, mais là, pour la production... Hein? Pour le film Poltergeist, c'est tout à fait vrai. Ils ont vraiment utilisé ça. Oh, ouais, des vrais squelettes, je te jure. Ouais. Alors, en fait, les artistes d'effets spéciaux ont révélé un des secrets derrière plusieurs séquences classiques, en fait, de Poltergeist lors d'une déposition, je crois que c'est en cours. Donc, les légendes hantent le film depuis sa sortie en 1982, dont une histoire qui réapparaît par rapport à des squelettes humains utilisés comme accessoires dans les séquences du film. Donc, dans le film, Diane Freeling, jouée par Jo Beth Williams, est amenée dans la piscine de la famille par une force surnaturelle surnommée la Bête. Elle s'échappe pour sauver ses enfants, mais pas sans être confrontée par les squelettes de gens qui, sans qu'elle le sache, elle et sa famille, étaient enterrés dans le sol sous leur maison. En entrevue en 2002 sur VH1, elle a dit qu'elle devait être dans la boîte avec des squelettes et elle croyait que c'était du plastique, mais plus tard, elle a appris que c'était de vrais squelettes. Williams a expliqué ses remarques dans une autre entrevue. Et puis après ça, ça dit qu'un porte-parole pour Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, la compagnie de production du film, n'a pas pu confirmer ça. On a réussi à contacter par contre le distributeur Warner Brothers Pictures et la compagnie du coproducteur Steven Spielberg, Amblin Entertainment. Le directeur réalisateur du film, Toby Hooper, est mort en août 2017. Après ça, voyons, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Hein. C'est l'artiste aux effets spéciaux Craig Reardon, par contre, qui a dit sous serment que les squelettes utilisés dans la scène étaient réels. À la fin 1982, Reardon a été accusé dans une poursuite contre Spielberg par les écrivains Paul Clements et Bennett Michael Yellen. Le duo disait qu'un employé de Amblin agissait comme ghostwriter, donc ça c'est quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre, qui aurait pris des portions de leur propre script à eux et avait soumis ça à l'équipe de production de Poltergeist comme si c'était leur propre idée. Mm. Clemens et Yellens, oui, leur poursuite disait qu'il y avait 67 points de similarité entre le film de Spielberg et le leur. Bref, c'est pour ça qu'on a eu ces commentaires-là sur les squelettes, c'est à cause de la poursuite. Il était sous serment, il n'y avait pas le choix, sinon il aurait pu être accusé de, c'est quoi, parjure? Ouais, je pense que ouais. Quelque chose du genre. Bref, Williams a dit que l'utilisation des squelettes a créé tellement un malaise sur le plateau de Poltergeist que ça a continué dans la suite Poltergeist 2 The Other Side, ce malaise-là. Elle a ajouté... on ajoute que la co-vedette Will Sampson, membre de la nation Creek, c'est Cree? Est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr. Bref, une nation amérindienne qui aurait performé un exorcisme sur le plateau du film. Ah! Ouais. Ouais, on se passait bien les affaires là-bas. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses sur le plateau de Poltergeist. Étrange. Ensuite, prochaine nouvelle, tu dois déterminer toujours si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que c'est vrai qu'une jeune fille a déconnecté la machine qui gardait en vie son grand-père pour brancher son chargeur de iPhone? Cette nouvelle-là a été partagée pas mal sur Internet. Mais ça dit pas si le grand-père est décédé. Ça dit juste qu'elle l'a débranché. Attends un petit peu, je vais vérifier. Ça n'a pas l'air de le dire pour l'instant dans ce que je suis en train de lire. Est-ce que je pourrais savoir l'âge de la jeune fille, s'il vous plaît? 26 ans. Ça sortit en octobre 2017, où la fille aurait déconnecté l'appareil qui tient en vie son grand-père pour charger son téléphone. Elle est allée à l'hôpital visiter son grand-père qui souffrait d'un cancer du poumon. Je vais dire que c'est vrai. C'est faux. Phew. Oh, phew, une chance, hein? Donc, son téléphone, dans l'article, disait que son téléphone était à 1%. Donc, situation critique hein, pour elle. mais c'est pas parce que tu répètes une rumeur que ça devient vrai. Non. C'est un article de parodie qui a été publié, entre autres, par Ideas Fun, Rage Feed, The Alternative Mind, Elite Readers et Buzz Flare. Donc, malgré la nature de, comment dire, très répandue de cet événement, c'est complètement de la fiction. Ça a été publié à la base sur hshit.net le 7 octobre 2017. Site web qui en bas une notice sur sa satire. Ensuite, prochaine nouvelle, est-ce que c'est vrai que l'Islande force à avoir des avertissements, donc oblige les bibles à avoir des avertissements sur la santé mentale? En Islande, les bibles avec une étiquette sur la santé mentale. Les récentes bibles? Oui, les récentes bibles. L'article date de octobre 2017. C'est sur le blog, sur un blog en fait qui disait que ça devait être placé sur chaque bible. Non seulement est-ce que chaque bible ou chaque tome devait avoir l'avertissement, mais il devait y avoir assez d'avertissements placés à travers le livre pour rappeler aux lecteurs qu'ils mettent leur cœur et leurs esprits à risque. Je dis c'est vrai. C'est faux, t'es vraiment mauvaise. Ouais, je suis vraiment, vraiment pourrie. Pas bonne du tout. Donc, c'est sur le blog Laughing in Disbelief. Merci de me le rappeler. Ça me fait plaisir toujours. Donc, ça fait partie du réseau Patheos de blogs à thématique religieuse. Mm-hmm. Donc, mais ça aurait pu, ça aurait été logique. Ça, oui, tout à fait, tout à fait. Mais non, l'article en fait cite une figure islandaise fictive, un premier ministre nommé Andrew Canard, alors que le vrai premier ministre de l'Islande s'appelle Bjarni Benediktsson, en tout cas à ce moment-là, au moment de l'article. C'est au moins la deuxième fois que Laughing in Disbelief, oui, publie un article sur l'Islande qui aurait supposément passé une loi pour restreindre l'influence de la religion au pays. Mais c'est toujours faux. D'accord. Hein? Un point de plus, un point de moins, hein? C'est ça. Est-ce que c'est vrai que Zara Clothes, donc une compagnie de vêtements à Istanbul, étiquette ses produits pour montrer qu'il y a une dispute par rapport au travail? Donc, une étiquette qui dirait le message suivant. J'ai fabriqué cet article que tu vas acheter, mais je ne me suis pas fait payer pour. Lis une étiquette, donc, chez Zara à Istanbul. Ouais. Je veux dire... Oh merde, c'est difficile. Fais-toi confiance. Ouais. Ça vient du cœur. Je veux dire, c'est faux. C'est vrai! Ah! Oh oui, j'essaie de t'aider, non? C'est donc des travailleurs turcs qui se plaignent de ne pas avoir été payés pour la marchandise qu'ils ont fabriquée pour le magasin. C'est donc un manufacturier externe pour Zara dans le fond, c'est ça, c'est des travailleurs d'un manufacturier externe à Zara et de d'autres magasins qui entrent dans les magasins Zara et laissent des étiquettes sur les vêtements disant ça. Donc, c'est eux qui les installent par après. C'est pas les gens dans l'usine qui ont mis les étiquettes à la base, donc ils sont venus plus tard le faire. Alors, c'est des étiquettes fabriquées mais par... Mais c'est un peu bizarre que Zara se rende pas compte, genre. J'imagine que si t'es anonyme et que ça paraît pas, tu colles ça sur le collet ou à l'intérieur de quelque chose, je sais pas trop, ça pourrait ne pas paraître avant que les gens essaient l'article de vêtements. Bref, c'est des employés de Bravo, une usine. Et puis, la campagne dit que le manufacturier leur doit 3 mois de salaire. Ouh! Et Inditex, les propriétaires de Zara, n'ont pas donné de commentaires à l'Associated Press au moment de l'article. Ensuite, toujours dans le vrai le faux, on essaie de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est Tania qui joue à ça aujourd'hui, ouais. Comme toujours. Donc, est-ce que c'est vrai que jouer de la musique de Noël avant l'Action de grâce... L'Action de grâce américaine? Américaine, oui, tout à fait, bien de préciser. Que c'est rendu un crime fédéral. Hein? Mais non, c'est faux. Bon, tu vois, je te donne un point. Merci. Au moins. Donc, on disait que le président Trump aurait signé une législation en 2017 pour empêcher la musique de Noël avant l'Action de grâce. Hier, je suis allé dans un magasin d'électronique grande surface. Mm-hmm. Ça m'a surpris d'entendre des chansons de Noël. Ça fit vraiment pas pour moi. Tu vois, moi hier, je suis passée dans un magasin à grande surface pour aller chercher un CD de Noël. Clairement, il était pas encore sorti. Là. Mariah Carey? Non. Non. Non, mais il y avait aucun CD de musique de Noël. Là, j'étais là, voyons. Tu peux pas, ça. On est le 15 de novembre. Qu'est-ce qui se passe-t-il? OK, là, je comprends pas. Je comprenais vraiment pas. J'étais déçue. Je suis repartie bredouille. T'es la seule, je pense. Bref, ça a l'air d'une bonne nouvelle. Ça a été publié par le Baglambi le 7 novembre 2017. C'est évidemment complètement faux. Pas besoin de vous lire les détails parce que c'est assez évident. C'est un freebie que je te donnais. D'accord. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une femme âgée, donc une personne âgée, une vieille personne, a entraîné ses 65 chats pour voler ses voisins? Ben non, c'est faux. C'est sûr? C'est faux. C'est faux. T'as raison. Faut que tu gardes ta réponse parce que des fois, je essaie de te piéger. Donc, on disait qu'elle aurait entraîné ses chats. C'était le 3 novembre 2017. Franchement. C'est l'article, le site satirique World News Daily Report qui parle d'une femme de 83 ans nommée Ruth Gregson à Columbus, en Ohio. Donc, c'est les détails que je t'aurais donné si tu m'avais posé la question. Ensuite, oui. On est rendu à... encore... C'est vrai. Non, c'est faux. Décide-toi! Ah, OK. Est-ce que c'est vrai que Trump, Donald, de son prénom... Donald? Ouais, c'est l'homme orange. Le premier président moron! The Orange Man. Est-ce que c'est vrai que c'est moqué de notre ami Trudeau, Justin, de son prénom, pour avoir célébré l'Action de grâce 6 semaines trop tôt? On a parlé de l'Action de grâce tantôt, t'as précisé l'Action de grâce américaine. OK, ah, oh, là... Ça pourrait, là. Ouais, sur Twitter, il aurait pu dire, genre, c'est quoi le Thanksgiving, tu célèbres ça en octobre, toi, maudit moron, ouais. C'est vrai? Faux. Oh. Ah, trop beau pour être vrai. Oh. Misère. Évidemment. Mais venant de Donald, tout est possible. Je sais bien. C'est pour ça que ça m'aurait pas surpris. Je traiterais jamais Kim Jong-un de petit gros. Voyons donc. Hey, petit gros. Voyons donc. Donc, c'était juste après que le premier ministre canadien Justin Trudeau ait sorti un communiqué souhaitant au Canada un joyeux Thanksgiving le 9 octobre 2017. Le site web satirique donc a publié un article disant que Trump s'était moqué de lui pour l'avoir célébré un petit peu trop tôt, mais c'est faux! Ça va, Mathieu, de ton côté? Ça va super bien, le téléphone, pour lire les nouvelles. Vraiment, là, c'est excellent! Oui, hein? Ensuite, on est rendu dans un deuxième bloc. Oui. De 10. OK. Hein? On a le temps. Je suis prête. Allons-y avec les morts américaines par fusil, donc les gens qui ont été tirés depuis 1968. C'est plus que le nombre de morts de toutes les guerres américaines de l'histoire. Est-ce que c'est vrai? Les morts par fusil depuis 1968... serait plus que toutes les guerres, les victimes de guerre américaines jusqu'à maintenant. Victimes militaires ou victimes... Non, victimes en général par fusil. Okay. Versus toutes les guerres. Non, mais toutes les guerres militaires? Ouais, guerres militaires. Donc, ça veut dire... Ça précise pas. Toutes les guerres, j'imagine, ben, est-ce que des guerres autres que militaires sont comment, ces autres guerres-là? Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est les soldats qui meurent ou c'est les civils qui meurent dans ces guerres-là? Je crois que c'est tout le monde pour la guerre. Mais je veux dire que c'est faux. C'est pas mal vrai, en fait. Ouais. Le nombre de morts par fusil aux États-Unis depuis 1968 excède même les estimés les plus élevés du nombre de morts de toutes les guerres dans l'histoire des États-Unis et parmi tout le personnel militaire en conflit ailleurs dans le monde qui sont américains. Il y a un petit peu de faux, mais je t'enlèverai même pas de points là-dedans. Je serais pas zélé pour t'enlever 0.25 points. Mais c'est que la distance entre les deux totaux, hein, est beaucoup plus petite que ce qu'on dit dans certaines versions. Pas les totaux, genre les niaiseux, là, mais les totaux, genre c'est comme Trump. Total. Non, c'est ça, exact. Non, donc c'est que la distance entre les deux totaux, ici, est beaucoup plus petite que ce qu'on dit dans certaines versions de cette nouvelle-là. Il y en a qui disent que c'est vraiment genre une énorme différence, mais non, c'est une mince petite différence, un petit peu plus mince. Okay. Bref, j'irai pas plus dans les détails que ça. L'article est là sur assemblagehockey.com pour ceux que ça intéresse. Moi, ça m'intéresse moyen d'y aller dans les détails de ça. Ouais. Ensuite... l'histoire horrible d'une ville du Kansas qui est complètement disparue, ainsi que sa population au complet, après un tremblement de terre en 1952. Donc, c'est la disparition de la ville de Ashley, au Texas. OK. En 1952, à cause d'un tremblement de terre. Son cerveau bouge beaucoup. Elle prend une petite sieste, je pense, sur sa mousse de micro pour bien réfléchir. C'est faux. En effet! Bravo! Donc, l'histoire assez incroyable d'Ashley au Kansas, c'est la destinée de ses 670 habitants et plus. Après un incident à... comment dire? Une anomalie en 1952 célèbre... circule sur Internet depuis plusieurs années. C'est donc assez intéressant comme histoire, mais ça a été publié pour la première fois en mars 2012. Ça a été popularisé sur le wiki Creepypasta, qui est un site d'histoires courtes d'horreur qui sont habituellement créées de toutes pièces. Donc, c'est du creepypasta qu'on appelle. C'est épeurant, amusant, définitivement et décidément fictif comme aventure. Donc, Ashley au Texas, ce n'est pas quelque chose de vrai. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'il y a un produit chimique qu'on peut mettre dans une piscine et qui va révéler l'urine? Oui. Un peu comme on peut révéler les taches de sang dans une chambre d'hôtel avec un spray. Tu dis, mais ça fait t'as même pas réfléchi, c'est oui. Ouais, mais genre, ça fait vraiment longtemps que ça existe. Oui, mais non, en fait. Oui, mais ça fait un cercle. Oui, mais non. Hein? Non, non, non. Un truc chimique ajouté à l'eau dans des piscines qui pourrait révéler la présence d'urine et attraper ceux qui font pipi dans la piscine, c'est faux. Ben, voyons donc! Peu importe ce que tes parents t'ont dit. Ma vie est un mensonge! C'est ça. Il n'y a pas de produit chimique magique qui, lorsqu'il est dans une piscine, va révéler la présence d'urine en produisant donc un nuage, comme tu l'as si bien expliqué, un genre de nuage vraiment éclatant. C'est sur le site AquaClear, un site web qui j'imagine, professionnel de piscine, qui lui raconte que ça n'existe pas. D'autres dans l'industrie sont d'accord avec lui que cette croyance est une chimère. Il n'y a pas de substance derrière ça. On est souvent confronté à ça dans la business des piscines. Les gens cherchent ce produit. Mais bon, ça existe. Je suis très, très, très, très, très, très, très, très, très déçu. Ouais, mais maintenant, t'en sais une chose de plus. Hein? Oui. Continuons toujours dans le vrai et le faux, où on détermine ce qui est vrai et ce qui est faux. Jusqu'à ça maintenant va avec, vraiment pas bien présentement. Tu dirais ta moyenne, t'as combien? Je perds incroyablement. Ta moyenne, t'as combien, tu penses? Je ne sais pas. Parce qu'il en reste 7. Là. Et boy. Si on se rend jusque-là, je ne penserais pas. Non. On va en faire deux derniers. On va arriver à 15, fait que tu vas pouvoir calculer sur 15. Je te donne une chance. OK, c'est bon. En fait, je te donnerais une chance si tu te laissais plus d'articles. Mais... Ouais, c'est ça, mais ouais. Non, c'est correct, c'est beau. Je t'ai donné au moins un freebie, ma gentillesse arrête. Là. Ouais. Est-ce que c'est vrai? On a parlé tantôt d'une femme qui se faisait couper en deux. Oui. Est-ce que c'est vrai que le corps décapité d'un pédophile a été trouvé sur le pas de porte du juge après son procès? Un pédophile décapité au Texas en septembre 2017. Oh, le pédophile boy. S'appelle William Smith Powell. Non, this is a story. Au Texas? C'est vrai. C'est faux! Ah! Eh ben, 20 septembre 2017, donc, le site très peu réputé Neon Nettle avait publié un article disant que le corps décapité du pédophile William Smith avait été trouvé sur le pas de porte d'un juge à Dallas, en Texas. Complètement faux, les détails encore une fois dans l'article. Il nous en reste deux, un dernier. Là, je tiens à dire que, tu sais, Mathieu, il me l'a dit, mais moi, j'ai pas la source que Mathieu a devant lui. Là, fait que j'ai juste comme l'histoire. Je te donne les détails que je peux ouais, te donner. Ouais, je sais. Quand même, j'essaie. Est-ce que c'est vrai que le FBI a saisi plus de 3000 pénis pendant un raid à la maison d'un employé d'une morgue? Ça se passe en quelle année? Ça se passe en septembre 2017. Encore? Oui, 3000 pénis. Hey, c'est beaucoup. Dans la maison d'un employé de la morgue pendant un raid. Ça se passe où? Ça se passe... Au Texas? Ben c'est ça, ça se passe dans le comté de Harris County. Le suspect est un homme de 54 ans, Dave Murray, impliqué apparemment dans un réseau de trafic d'organes. C'est le FBI qui a retrouvé 3178. C'est beaucoup, trop, je veux dire, c'est faux. C'est en effet faux. Fiu! Félicitations, tu finis bien sur une bonne note, Tania. Voilà, on a fait 15 en tout, je pense que c'est raisonnable pour cette chronique-là. J'ai 6 bonnes réponses. Sur 15, ouais. C'est honteux. Je sais, c'est terrible. C'est la pire moyenne 15. Que j'ai jamais eue. Si j'étais bon en maths, je te donnerais un pourcentage, mais je ne peux même faut pas m'essayer. Non, c'est faut ça. Pas. Désolé, Tania, c'est pour correct. Ton insuccès. On fera ça une autre fois. On fait ça une fois de temps en temps, là, à l'assemblage requis. Il n'y a pas de case horaire déterminée pour ça. On s'en fait pas avec des détails de même. Non. On prend une pause. Au retour, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a quelqu'un de fiable. Stéphanie Paradis s'en vient. Premièrement, salut Stéphanie. Bonjour. Bon matin. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt dans ta chronique? Patate de sofa, dis-nous. Du sang. Du sang? Restez à l'écoute. OK. Pour du sang et 3000 pénis. M'en prendre rien qu'un, ça que c'est. Aujourd'hui.

ça explose dans la bouche, ça. Ça se défait en miettes. Moi, je trouve ça merveilleux que ce soit gonflé. Ouais. Ça fait encore plus de crunch et d'explosion. Écoute, c'est pas ma saveur favorite, mais c'est bon. Ah, je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Vraiment. J'en mangerai 45 000. Fromage et avocat, c'était magnifique. La Tokyo Treat d'octobre 2017 qu'on s'est commandé sur Internet. C'est ce qu'on a goûté aujourd'hui dans une grosse pointe tendresse. On doit terminer l'émission là-dessus. Merci Stéphanie Paradis. Ça me fait plaisir. On se retrouve demain entre 7h et 10h pour nos meilleurs moments de la semaine. Merci à Stéphanie Paradis pour Patate de Sofa. Merci à Catherine Langlois qui éventuellement va revenir. Un jour. Elle va avoir assez posé de lapin. Elle va avoir une collection de photos de lapin chez elle, j'imagine. sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, évidemment, vous savez, il y a Patrick en action à 11h. Il y a le Mathieu Plancheau à 13h. Il y a Très Blues assez fou à 19h ce soir. Et puis, on se quitte là-dessus et on se dit à demain. Bon café, tout le monde. Bye. Faire descendre le sucre. Ouais.